Chapitre 8e. Comment Michaud était devenu père. Jean remarqua sans peine le malaise qui s'était emparé du brave homme, mais il en attribua l'effet à l'émotion que sa visite inattendue lui avait causée. Il le réconforta de son mieux et s'éloigna, après lui avoir promis de ne pas le laisser longtemps sans nouvelles. Pourtant, comme il n'avait rien de mieux à faire que de songer, pendant le long trajet qu'il lui faudrait parcourir, le trouble que n'avait pu dissimuler son père, le sourire forcé qui grimaçait sur ses lèvres, la pâleur qui avait envahi son visage, lui revenait à la mémoire. Et il cherchait inutilement quelle corrélation lointaine pouvait exister entre ces symptômes d'inquiétude et ceux que la comtesse de Montbazin avait également manifestés en le voyant. C'était tellement inexplicable que, ne trouvant à ce problème aucune solution plausible, il reporta ses pensées sur André, dont il ne pouvait se consoler d'être indéfiniment séparé. Il réintégra sa prison, mais non pas sans une sourde révolte, et se demanda si sa discrétion n'était pas de la bêtise. Quand il avait empêché son père d'agir auprès du cardinal Fleury pour lui faire obtenir sa liberté, maintenant il était trop tard. Aussi, pendant une dizaine de jours encore, Jean confina dans le petit jardin de la rue de Suresnes les doutes et les impatiences dont il était dévoré. Enfin arriva une lettre de Julien. « Dubois, disait-il, a assisté avant-hier à la revue dont je t'avais parlé, et y a reçu les honneurs que l'on rend au Premier ministre. Un quart d'heure avant l'arrivée de Sa Majesté, il montait à cheval et passait devant les troupes. Les drapeaux s'inclinèrent, les officiers le saluèrent de l'épée, les tambours battirent, les clairons sonnèrent, mais il paya cher cette satisfaction éphémère. Le mouvement du cheval fit crever un abcès dont il souffrait et il fallut le porter sur son lit. La Péronie, qu'on a fait appeler aussitôt, prétend qu'une opération terrible est nécessaire. Encore ne croit-il pas que le patient y survivra. Donc, un peu de patience, cher ami. J'espère que tu n'auras bientôt plus rien à craindre de Dubois ni de Barberousse, et que tu nous seras enfin rendu. Ton père ne va pas très bien. Les deux dernières fois que je l'ai vu, il m'a paru inquiet, agité, un peu fiévreux même. Le pauvre homme t'aime tant qu'il ne peut se faire à ton absence. Il est toujours question de toi très souvent chez la baronne. Tu es véritablement le remords de sa vie. Elle ne peut se pardonner d'avoir causé ta disgrâce, fait couler ton sang et compromis ta liberté. Après avoir lu cette lettre, Jean bondit de son fauteuil. Décidément, il n'y pouvait plus tenir. Depuis plus de 20 jours qu'il se cachait, il ne savait que par Julien ce qui se passait autour de lui. Ce n'était plus vivre. À tout prix, il franchirait ces murs étroits dans lesquels il étouffait. Que risquait-il après tout ? D'après la lettre du comte, Dubois était au plus mal. Donc Barberousse ne devait plus porter si haut la tête, et qui sait ? Là de monter sans succès sa sempiternelle faction devant l'hôtel de Coissy, peut-être avait-il renoncé à la surveillance qu'il y exerçait. On se persuade aisément ce que l'on voudrait croire. Jean en arriva à se convaincre qu'il ne courait plus aucun danger, et se promit le jour même d'aller rendre visite à la baronne, ou plutôt à André, car c'est elle surtout qu'il brûlait de revoir. Cependant, il ne pouvait guère, à visage découvert et en habit de ville, aller frapper à la porte de l'hôtel. C'eût été sottement courir au-devant d'un péril qu'il était facile de conjurer. Il songe alors à ce costume de pâtissier que Firmin lui avait apporté. Il appela aussitôt son valet de chambre, le chargea d'acheter une manne en osier, et vers 7 heures du soir, au moment du souper, après avoir placé dans cette manne quelques ustensiles de cuisine, il se dirigea vers le faubourg Saint-Honoré. Arrivé devant la porte, il frappa. Le portier ne fit naturellement aucune difficulté pour le laisser passer, lui indiqua l'endroit où se trouvait la cuisine et rentra dans sa loge. Quant à Vif-Argent, au lieu de suivre le chemin qu'on lui avait enseigné, il gravit le grand escalier, déposa sur le palier du premier étage la manne qu'il portait sur la tête, et ne trouvant là aucun domestique pour l'annoncer, il franchit la première porte qu'il rencontra. Il ne connaissait pas l'hôtel. La seule fois qu'il y fut venu, c'était à 9 heures du soir pour y prendre et pour accompagner la baronne à Neuville. Encore n'avait-il pas pénétré dans les appartements, puisqu'il avait attendu dans la cour tandis que Julien allait chercher Madame de Coissy. Après avoir poussé cette porte, Jean entra dans une sorte d'antichambre sur laquelle donnaient 3 autres portes. Laquelle était celle du salon, il l'ignorait. Au hasard, il ouvrit celle du milieu et s'avança timidement. Un petit cri d'effroi se fit entendre. Une femme se leva soudain, abandonna l'ouvrage de tapisserie auquel elle travaillait et se dirigea en courant vers la piste voisine. mais non pas assez vite pour que Jean n'eût pas reconnu André. « De grâce, mademoiselle, supplia-t-il, n'ayez pas peur et écoutez-moi. » Au son de cette voix bien connue, elle se retourna. « Oui, mademoiselle, c'est moi qui ai mieux aimé paraître à vos yeux sous ces vêtements ridicules que de renoncer plus longtemps à la joie de vous revoir. » Partagé entre le plaisir divin qu'elle éprouvait à l'entendre et la crainte de se laisser surprendre, André hésitait. Jean ne lui donna pas le temps de choisir. S'approchant d'elle, il lui saisit la main, qu'il embrassa, et se laissa tomber à ses genoux. « Une minute, une seule, je vous en conjure, André. Dites-moi que vous n'avez pas cessé de penser à moi, que vous excusez mes folles espérances, que vous les partagez, et que notre immuable amour triomphera de tous les obstacles. » Il n'avait pas achevé cette phrase qu'une porte latérale s'ouvrit pour livrer passage à la baronne. Elle était entrée si brusquement que Jean n'avait pas eu le temps de se relever. Tout d'abord, elle demeura stupéfaite du spectacle auquel elle assistait. Mais quand il se redressa pour balbutier quelques paroles d'excuse, elle le reconnut et le rouge de la colère lui monta au front. D'un geste autoritaire, elle montra du doigt la porte à André, qui se tenait immobile, la tête basse, paralysée de honte et d'effroi. Elle sortit, en se voilant le visage de ses deux mains et versant d'abondantes larmes. « Monsieur, dit la baronne à Jean, sans lui donner le temps de placer un mot, si peu que j'ai entendu de vos édifiantes paroles, j'en sais assez pour être cruellement éclairé sur l'abus de confiance que vous avez commis. Ce que vous avez fait est lâche et vil. Vous avez beau vous indigner, je n'ai rien à retrancher de ce que j'ai dit. Si vous aimez ma fille, c'était à moi qu'il eût été convenable d'en faire l'aveu. Votre situation, à défaut de votre délicatesse, vous en créez le devoir impérieux. Au lieu d'agir loyalement envers moi, vous avez préféré surprendre le cœur et la bonne foi d'une enfant, que son inexpérience même aurait dû protéger contre vos audaces. Vous avez fait peut-être le malheur de sa vie. C'est un jeu auquel, par le temps qui court, vos pareils s'amusent quelquefois, mais auquel je ne saurais me prêter. Je vous prie donc de sortir à l'instant, si mieux vous n'aimez que je vous cède la place. » À ces mots, du même geste hautain, elle fit signe à Jean de s'éloigner. Le pauvre garçon voulut essayer de se justifier, mais madame de Coissy, sans daigner l'entendre, lui tourna brusquement le dos et disparut. Il demeura seul, confondu, dévorant l'affront qu'il avait mérité. Oui, la baronne avait raison, il avait commis une lâcheté. Le mépris dont il supportait le poids en était le juste châtiment. Il s'en alla, le cœur brisé, comprenant que c'en était fait de son bonheur et de son amour. Que lui importait désormais la liberté, la vie même? N'était-ce pas la mort qui l'emportait dans sa fuite? Il ouvrit la porte de la rue, chancelant comme un homme ivre. Le sang lui bourdonnait aux oreilles, ses jambes se dérobaient sous lui, il ne voyait et n'entendait plus rien. Soudain, trois hommes se jetèrent sur lui. Il eut une lueur de raison, une velléité de résistance, car il avait reconnu Barberousse. Mais il venait d'être si rudement éprouvé que la lutte était réellement trop inégale. En un clin d'œil, il fut garrotté, et hissé dans une chaise à la portière de laquelle se plaça Barberousse, jubilant de joie et de vengeance satisfaite. « À la Bastille » cria-t-il au porteur. En un instant aussi, un rassemblement s'était formé autour de la chaise, si compacte, si impénétrable, que Julien, qui venait rendre visite à la baronne, ne put distinguer aucun des personnages que la foule entourait. « Que vient-il donc d'arriver ? » demanda-t-il pourtant. « C'est un jeune pâtissier que l'on vient d'arrêter et que l'on conduit à la Bastille, » répondit un curieux. « Un pâtissier à la Bastille, ce n'était guère vraisemblable. » Aussi ce fut justement cette invraisemblance qui donna au jeune comte un pressentiment de la vérité. En toute hâte, il pénétra dans l'hôtel et tomba comme une bombe dans le salon de la baronne. « Est-ce que Jean est venu ici ? » demanda-t-il. « Pour notre malheur, oui, » répondit madame de Coissy, dont la colère faisait encore trembler la voix. « Sous un déguisement, n'est-ce pas ? » fit avidement le comte. « Oui, vous l'avez donc vu, l'infâme vous a donc dit. Plus de doute, ce pâtissier qu'on vient d'arrêter devant votre porte, c'est lui !» s'écria Julien, sans s'arrêter aux singulières paroles dont la baronne accompagnait ses réponses. « Comment, on l'a arrêté ? » fit madame de Coissy. « Eh bien, tant mieux, il n'a que ce qu'il mérite. » Pour le coup, le jeune officier n'y comprenait plus rien. « Mais au fait, qu'avez-vous » interrogea-t-il. « D'où vient le courroux où je vous vois ? Que signifient les paroles que vous venez de prononcer ?» Toute frémissante encore de l'indignation qui l'agitait, elle lui confia le secret qu'elle avait surpris. Je conçois que cela vous étonne, madame, dit Julien, mais il y a 6 semaines au moins que j'en ai reçu la confidence. Et vous ne m'en avez rien dit ? Lui reprocha la baronne. Par la raison bien simple que ce secret ne m'appartenait pas. D'ailleurs, Jean lui-même ignorait alors que c'était André dont il était amoureux. Il l'avait rencontré à Versailles et s'en était épris sans savoir qui elle était. C'est à Neuville seulement qu'il l'a reconnue et depuis cette époque, je vous le jure, il n'a pas été question d'elle entre lui et moi. Mais alors, où et comment se sont-ils parlé ? Demanda Madame de Coissy. Je l'ignore, madame, mais je vous supplie de vous apaiser. Nous ne devons oublier ni les uns ni les autres que si nous avons échappé aux embûches de Barberousse, c'est à Jean que nous en sommes redevables. Il y a dépensé son temps, son argent, son sang même. Cela mérite bien, de notre part, un peu d'indulgence, pour un mal qui n'est peut-être pas aussi grand que vous l'imaginez. Ah, Dieu vous entende, gémit la baronne. C'est au contraire à notre tour d'agir en sa faveur, avec le même dévouement qu'il nous a montré, poursuivit le comte. Pour ma part, je cours à l'instant porter à son père cette grave nouvelle, afin qu'il use de son influence auprès du cardinal Fleury, pour obtenir l'élargissement de notre pauvre ami. Aussitôt, laissant Madame de Coissy aux prises avec les remords que ses généreuses paroles avaient soulevés en elle, il se rendit chez Michaud. Avec toutes les précautions inimaginables, il lui apprit le fâcheux événement dont il avait été presque le témoin. Le brave homme retrouva sur le champ toute son énergie. Malheureusement, il ne pouvait pas à cette heure partir pour Versailles, où la cour était revenue. Ce ne fut que le lendemain matin qu'il se mit en route. Mais il ne put guère avant 11 heures pénétrer chez le cardinal, que les devoirs de sa charge retenaient auprès du jeune roi. Enfin, il fut introduit chez son éminence, à qui il raconta d'une voix émue l'inqualifiable vengeance dont son fils avait été victime. Fleury avait entendu parler du scandale de Chelles et savait que le régent avait dû s'interposer pour y mettre fin. « Sois tranquille, mon bon Jacques, lui dit-il, je connais cette déplorable histoire. J'en toucherai deux mots au régent à la première occasion. Il serait monstrueux, après avoir donné raison à Madame de Coissy, qu'il punisse cet infortuné Jean de l'avoir si bien défendu. » Sur ces bonnes paroles, Michaud revint à Paris. Pendant toute une longue nuit, la baronne, de son côté, avait mûrement réfléchi. Le matin, après avoir interrogé André, qui, le cœur gros et les yeux pleins de larmes, lui avait confessé toute la vérité, Madame de Coissy fut prise d'une terrible perplexité. Elle ne pouvait pas en douter, sa fille aimait Jean Michaud, le fils d'un tailleur. Malgré les millions que possédait son père, c'était dur à constater. Que faire ? Fallait-il lutter à outrance contre ce fatal amour ? Devait-elle sacrifier son orgueil et donner à ce fils de vilain cette fille de gentilhomme ? Elle avait beau se raisonner, il lui paraissait impossible d'accepter cette humiliante nécessité. Après son dîner, elle se décida à aller trouver la comtesse de Montbazin, à lui soumettre la situation difficile dans laquelle elle se trouvait et à lui demander conseil. Après l'avoir écoutée avec la plus grande attention, la comtesse releva la tête, très visiblement impressionnée par ce long récit. « C'est singulier, » murmura-t-elle, « toujours ce Jean Michaud. »« C'est juste. Tu as dû souvent entendre parler de lui par ton fils, » dit la baronne. « Mieux que cela, ma chère, je l'ai vu, je lui ai parlé. »« Où donc, dans quelles circonstances ?»« Ici même, il y a 15 jours au plus, » répondit Madame de Montbazin. Ayant appris par Julien avec quelle générosité il vous avait servi tous les deux, j'ai tenu à le remercier moi-même. Mais je t'ai vu 4 ou 5 fois, depuis tu n'en as pas dit un mot, se récria la baronne. Non, fit Madame de Montbazin d'une voix étouffée. Pourquoi ? Parce que je voulais l'oublier. L'oublier ? Répéta la baronne étonnée. As-tu donc, comme moi, des raisons ? J'en ai de bien autrement graves, interrompit la comtesse en hochant soucieusement la tête. Lesquelles ? Ne peux-tu pas me les dire ? Je le voudrais, et je n'ose pas, fit Madame de Montbazin, qu'un frisson parcourut de la tête aux pieds. Et pourtant, est-il possible qu'une telle ressemblance soit un jeu du hasard, que j'ai ressenti pour un inconnu l'indicible émotion que la vue de ce jeune homme a provoquée dans tout mon être ? En vérité, je ne te comprends pas, fit la baronne avec une nuance d'inquiétude. D'où te vient cette agitation ? À quelle ressemblance fais-tu allusion ? Comment ? Tu ne le devines pas, dit la comtesse. « Tu ne te rappelles donc pas, monsieur de Montbazin ?»« Si, vraiment, quoique je ne l'ai pas beaucoup connu. Vous êtes allé habiter la province aussitôt après ton mariage et le comte est mort si jeune. N'importe. Tu te souviens assez de lui pour me dire si je suis une hallucinée et si ce Jean Michaud n'en est pas le portrait frappant. C'est vrai, s'écria Madame de Coissy. Sans avoir jamais rapproché de ma pensée les traits, la taille, la tournure de Jean avec ceux du comte, il m'est arrivé 10 fois, en le regardant, de m'imaginer que je l'avais déjà vu. Oui, c'est bien cela. À présent que mes souvenirs se précisent, je suis de ton avis. Il y a entre eux une ressemblance étonnante. Ainsi, je ne l'ai pas rêvé, reprit joyeusement la comtesse. Non, mais ce n'est là, comme tu le disais tout à l'heure, qu'un jeu du hasard. Attends, nous ne sommes pas au bout. J'ai interrogé ce Jean Michaud, comme tu le penses bien. Or, sais-tu ce qu'il m'a appris? Quoi donc? Écoute bien. D'abord, il a 24 ans et demi. Son père était ailleurs à Lodève avant de venir à Paris, et il y est arrivé au commencement de septembre de 1700. « Vraiment, ensuite ?»« Or, poursuivit Madame de Montbazin, l'âge de Jean, tu le vois, est exactement celui qu'aurait Emmanuel. »« Lodève est à 12 lieues de Montpellier, sur la route même de la propriété que j'habitais à cette époque. »« Enfin, Michaud est venu se fixer à Paris en septembre 1700, c'est-à-dire 2 mois et demi après le jour où mon second fils m'était volé. »« En effet, voilà qui est extraordinaire, » avoua Madame de Coissy. Et si je te disais maintenant que Jean ne sait pas au juste où il est venu au monde, que de son propre aveu il n'a jamais eu entre les mains son acte de naissance, ne comprendrais-tu pas alors quelles folles espérances avaient germé dans mon esprit? Pourquoi je m'efforçais de les chasser? Pourquoi je ne t'ai rien dit, jusqu'ici, de ces rapprochements de lieux, de dates, de coïncidences étranges au sein desquelles je me débats depuis 15 grands jours? Et tu as eu tort, ma chère amie, répliqua la baronne. Car il y a un moyen bien simple d'éclaircir ces obscurités. Lequel ? Fit avidement Madame de Montbazin. C'est de faire venir ici M. Michaud, de lui raconter dans quelles circonstances ton second fils a disparu, de t'assurer qu'elles ne provoqueront de sa part aucune confidence, et enfin, si réellement il n'a rien à te dire, d'exiger de lui qu'il produise l'acte de naissance de son fils. Oui, c'est une excellente idée, fit la comtesse. Mais je n'aurai jamais le courage ni le sang-froid nécessaire pour lui faire ce douloureux récit ou lui arracher ses aveux. Qu'à cela ne tienne, proposa Madame de Coissy. Si tu m'y autorises, je m'en charge. Quoi? Tu consentirais? À l'instant, si tu le veux. À ces mots, la baronne s'assit devant un bureau de marqueterie, y prit une plume, du papier et écrivit. Pour affaire urgente, Madame la comtesse de Montbazin prit M. Michaud de passer chez elle au reçu de ce billet. Après y avoir inscrit l'adresse, elle sonna. Un domestique accourut. Portez sur le champ cette lettre à M. Michaud, et s'il est chez lui, ne revenez pas sans réponse. Surtout, ne perdez pas une minute. En moins d'une heure, le domestique était de retour. M. Michaud arrivait de Versailles, dit-il, mais après avoir pris connaissance de ce billet, il a devant moi commandé sa chaise. Dans un instant, il sera ici. En effet, quelques minutes après, on frappait à la porte de l'hôtel. C'était Michaud qui, quoiqu'un peu fatigué de son voyage à Versailles, s'empressait d'accéder au désir de la comtesse. À son grand étonnement, ce fut Madame de Coissy qui le reçut. Elle commença par décliner son nom, puis lui annonça que Madame de Montbazin, étant un peu souffrante, l'avait prié de le recevoir à sa place. « Cela n'a d'ailleurs pour le moment aucune importance, ajouta-t-elle. Il s'agit d'une histoire assez longue que je puis vous raconter aussi bien qu'elle. » « Donnez-vous la peine de vous asseoir, et veuillez m'écouter avec la plus grande attention. » Michaud, un peu surpris, se laissa choir sur le fauteuil que lui désignait la baronne et prêta l'oreille. « Monsieur, dit-elle aussitôt, j'ai été élevé avec la comtesse dont je suis la plus intime, je peux même dire la seule amie. Vous comprendrez donc quasiment que je sois très au courant des événements qui ont traversé sa vie et que je vous demanderai la permission de vous faire connaître. Mon amie, Hélène de Beaupré, une pauvre orpheline avec qui j'étais au couvent à Paris, le quitta dès l'âge de 17 ans pour se marier avec le comte de Montbazin, lieutenant aux mousquetaires du roi, qui s'était épris d'elle, qu'elle aimait, et qui avait demandé sa main. Après avoir passé chez son tuteur quelques mois de la lune de miel, elle partit pour Montpellier où son mari possédait, à peu de distance de la ville, des biens assez considérables. Bien qu'elle n'eût plus ni père ni mère, et que nulle affection de famille ne la retint à Paris, elle ne se décida pas sans peine à entreprendre ce long voyage. Elle s'en effraya un peu sans trop savoir pourquoi. Elle ne me l'avait pas caché, mais tout en déplorant son départ, je riais tellement de ses terreurs enfantines qu'elle finit par suivre son mari, qu'elle adorait. J'avais tort de rire, monsieur. Je le reconnus plus tard. Les craintes de ma pauvre Hélène étaient évidemment un pressentiment des malheurs qui l'ont éprouvé. Michaud souriait béatement sur son fauteuil et se demandait où voulait en venir la baronne avec ce long préambule. Les commencements de cet hymen, continua-t-elle, s'annoncèrent sous les plus heureux auspices. En 1696, 10 mois après son mariage, Hélène mit au monde un fils, qu'elle appela Julien. C'est celui que vous avez l'honneur de connaître, l'ami de Jean, celui qui porte actuellement le titre de son père. En janvier 1698, la comtesse était enceinte d'un second enfant lorsque lui parvint l'épouvantable nouvelle que son mari venait d'être tué par un boulet de canon dans la province de Luxembourg, où il guerroyait depuis 6 semaines sous les ordres du maréchal de Villars. Hélène en fut, à tous les points de vue, on ne peut plus douloureusement affectée. Non seulement elle restait sur le monde avec un enfant en bas âge, mais elle était encore sur le point de devenir mère, et elle n'avait pas 20 ans. En outre, elle était belle, riche et, depuis longtemps déjà, courtisée par une foule de gentilshommes du voisinage dont la mort foudroyante du comte attisa naturellement les espérances. Parmi eux, le baron de Plessac se montrait le plus empressé et aussi le plus pressant. C'était un homme de 40 ans, noir de cheveux, de barbe, de peau même, au tempérament ardent, aux passions violentes, à la volonté de fer. Loin d'avoir pour lui le moindre goût, Hélène en avait une peur instinctive et n'avait continué de le recevoir que pour complaire à son mari, dont il était le parent à un degré très éloigné. Quand mourut le comte, M. de Plessac se crut assuré de la victoire et fit au château de Montbazin des visites si fréquentes qu'elles devenaient compromettantes. Il ne se gênait pas en effet pour affirmer ses prétentions à la main d'Hélène et laissait volontiers croire à ses amis qu'elles étaient favorablement accueillies par la jeune veuve. La comtesse l'ignora longtemps. Lorsqu'elle en fut instruite, elle jugea qu'il était temps de couper court à ces bruits fâcheux et signifia formellement au baron qu'il lui serait désormais impossible de le recevoir. Il entra dans une grande colère, mais ne se tenant pas pour battu, il se présenta à 2 ou 3 reprises au château dont l'entrée lui fut impitoyablement refusée. Furieux de cet échec, il ne trouva rien de mieux à faire que de soudoyer un domestique et de pénétrer par la ruse dans les appartements de la comtesse. Malgré ses protestations énergiques, il se jeta à ses pieds, lui fit en termes brûlants l'aveu de son amour et devint si audacieux qu'Hélène se vit dans la nécessité d'appeler à son secours. Monsieur de Plessac se releva et s'enfuit, mais en proférant de telles menaces que la jeune femme en fut sérieusement épouvantée. Que faire? Elle ne pouvait quitter le pays. D'un jour à l'autre, elle attendait sa délivrance. En effet, le 10 juillet 1698, elle accoucha d'un second fils auquel elle donna le nom d'Emmanuel. Les couches furent longues et difficiles. Les émotions qu'elle avait éprouvées depuis 6 mois avaient légèrement altéré sa santé. Cependant, elle put nourrir et élever Emmanuel, qui était à 18 mois un très beau et très vigoureux garçon. Du baron de Plessac, Hélène n'avait plus entendu parler. Elle s'en croyait définitivement délivrée lorsqu'elle reçut de lui une lettre dans laquelle il lui déclarait qu'il ne pouvait vivre sans elle, qu'il l'aimait jusqu'à la folie, jusqu'au crime, qu'il sollicitait humblement sa main, mais que si dans les 3 jours il ne recevait pas une réponse favorable, il tirerait de ce refus une vengeance éclatante. La comtesse connaissait assez le caractère violent de ce misérable pour être assurée qu'il tiendrait cruellement sa parole. Elle n'avait qu'un moyen de lui échapper, maintenant qu'elle était rétablie, c'était de quitter Montpellier et de revenir à Paris. Michaud écoutait toujours, mais commençait à manifester quelque impatience. Au fond, cette histoire d'une femme qu'il ne connaissait pas lui était parfaitement indifférente. La baronne s'en aperçut. « Je vous demande pardon, monsieur, dit-elle, d'abuser ainsi de votre complaisance, mais si brièvement que j'ai glissé sur ces événements, je ne pouvais en omettre aucun détail avant d'arriver à un dénouement qui vous intéressera peut-être beaucoup plus que vous ne le croyez. » « Je n'en doute pas, madame, » fit poliment Michaud, qui n'en pensait pas un mot. Mais Hélène ne pouvait pas quitter du jour au lendemain un pays où elle avait de si gros intérêts à défendre, reprit madame de Coissy. Pour elle et pour ses 2 fils, il s'agissait d'une véritable fortune. en attendant qu'elle mit ordre à ses affaires, elle voulut du moins que ses enfants fussent à l'abri de toute tentative criminelle. Déjà, Julien était à Montpellier chez son grand-père, M. de Montbazin, lequel était gouverneur de la province. Elle résolut d'y envoyer aussi Emmanuel, estimant avec juste raison qu'ils y couraient moins de danger que partout ailleurs. Elle confia son projet à André, l'ancien valet de chambre de son mari, qui accepta cette mission avec l'empressement dont il avait toujours fait preuve. Il fut donc convenu que dans la nuit du 23 au 24 juin, André partirait au petit jour et conduirait Emmanuel chez son grand-père. « En quelle année ?» demanda Michaud, qui devint tout à coup légèrement pâle. « En l'an 1700, monsieur, » répondit Madame de Coissy. « Vous voyez que cela commence à vous intéresser. Je continue donc. » André ne garda-t-il pas bien le silence que lui avait recommandé la comtesse ? Fut-il épié par un domestique et son projet fut-il éventé ? Ici commence le mystère dont la fin de cette histoire reste entourée. Toujours est-il qu'André est parti vers 4 heures du matin avec le petit Emmanuel, alors âgé de 18 mois, et qu'à midi il n'était pas de retour alors qu'il ne lui fallait pas plus de 2 heures pour aller à Montpellier et en revenir. La comtesse, fort inquiète, était sur le point d'envoyer chez M. de Montbazin pour s'informer des causes de ce retard, lorsque des paysans rapportèrent au château le corps d'André, percé de 3 coups de poignard. Ils l'avaient trouvé vers 7 heures du matin sur le bord de la route, baignant dans une mare de sang, déjà raide et glacé. Donc il y avait au moins 2 heures qu'il était mort. Un des 3 coups de poignard lui avait traversé le cœur. « Et mon fils, où est-il ? » demanda la comtesse d'une voix étranglée. Personne ne l'avait vu. En vain lança-t-elle sur le champ des émissaires dans toutes les directions. Pas un ne retrouva la trace du cher petit. Ni chez son grand-père, ni dans aucune des maisons qui bordaient la route, on ne put fournir aucun renseignement sur le drame sanglant dont André avait été victime, et dans lequel avait sombré le bonheur de la pauvre mère. Michaud s'agitait sur son siège et s'efforçait de conserver le sourire béat qu'il avait affecté dès le début de ce récit. « Certainement, reprit la baronne, cet assassinat et cette disparition étaient un acte de vengeance. On n'avait même pas pris la précaution de lui donner les apparences d'un vol, car on avait retrouvé dans les poches d'André sa montre et son argent. La comtesse ne douta pas un instant que M. de Plessac en fut l'auteur. Elle déposa contre lui une plainte, montra au lieutenant criminel la lettre menaçante que le baron lui avait écrite. M. de Plessac fut mandé, interrogé, mais protesta énergiquement contre l'accusation qui pesait sur lui. Il prouva, par de nombreux témoignages, qu'il avait tranquillement passé chez lui la nuit du 23 au 24 juin. Faute de preuves suffisantes, il fallut donc renoncer à le poursuivre. Pendant plus d'une année encore, Hélène se livra à d'infatigables recherches, sans que le moindre indice lui permît de découvrir ce que son fils était devenu. Pourtant, Emmanuel n'avait pas été assassiné, ou du moins n'était pas mort sur le coup, puisque l'on n'avait point ramassé son corps à côté de celui d'André. Donc, ou bien il avait été enlevé par le baron, ou bien il avait été recueilli par quelques passants charitables. La comtesse, désespérée, prit enfin le parti de revenir à Paris. Un dernier espoir lui restait. Peut-être, M. de Plessac, pris de remords, lui rendra-t-il un jour l'enfant qu'il lui avait volé. Cette consolation suprême lui échappa. 2 ans après, elle recevait du baron une lettre, empreinte du repentir le plus sincère, qu'il écrivait à l'article de la mort, dans laquelle il se reconnaissait l'auteur du double meurtre d'André et d'Emmanuel, abandonnés tous deux par les assassins sur la route de Montpellier. Mais il jurait sur son salut éternel qu'il ne savait pas ce qu'était devenu l'enfant dont le cadavre n'avait pas été retrouvé. Donc, conclut Madame de Coissy, Emmanuel existe, il vit, il est quelque part, tout près de nous peut-être. N'est-ce pas votre avis, monsieur Michaud ? Ainsi directement interpellé, Michaud soubresauta sur son fauteuil. « Oui, madame, » balbutia-t-il en proie à un malaise qu'il ne pouvait plus dissimuler, « c'est fort possible. » « Et ce qu'il y a de plus curieux, » poursuit la baronne, c'est que la comtesse et moi nous connaissons un jeune homme dont la ressemblance saisissante avec le feu comte de Montbazin nous a frappés, qui a exactement l'âge d'Emmanuel, qui est originaire du même pays, qui ne sait pas au juste où il est né, qui n'a jamais vu son acte de naissance et dont le père, ou plutôt le prétendu père, qui jadis habitait l'Odève, est venu se cacher à Paris en septembre 1700, 2 mois et demi après les événements que je viens de vous raconter. « C'est-à-dire juste le temps nécessaire pour préparer son départ et accomplir le voyage ?» Michaud devint livide et leva sur Madame de Coissy un regard effaré. Eh bien, continua la baronne, nous voulons supplier d'abord cet homme de nous dire si nous ne nous sommes pas trompés, et dans le cas où il refuserait de nous répondre, nous sommes décidés à exiger de lui qu'il fournisse les preuves indiscutables de sa paternité. Trouvez-vous que nous aurions tort, monsieur Michaud ? Pas du tout, madame, murmura-t-il d'une voix à peine intelligible. Cependant, il fit sur lui-même un violent effort. « Est-ce tout ce que vous avez à me dire ? » demanda-t-il. « Pour le moment, oui, monsieur. »« Alors, veuillez m'accorder la permission de me retirer. Le double trajet que j'ai fait ce matin entre Paris et Versailles, mon grand âge, les tourments que j'endure depuis l'arrestation de Jean, tout cela m'a un peu fatigué. »« Oui, cela se voit, » dit madame de Coissy avec une intention marquée. « Aussi, je ne vous retiens plus, monsieur. » Donnez-vous le temps de vous remettre. Demain ou après, nous recoserons de tout cela. » Michaud se leva, si faible que la baronne crut devoir le faire accompagner jusqu'à sa chaise par un laquais. Il y monta et, littéralement, s'effondra sur les coussins. Douter ne lui était plus possible. Le jeune homme que la comtesse avait cru reconnaître, c'était Jean. L'homme qu'elle accusait de ne pas être son véritable père, c'était lui. Et il pouvait d'autant moins en douter qu'il savait mieux que personne à quoi s'en tenir. Jacques Michaud avait épousé, en 1685, Marguerite Delpère, dont la famille demeurait à Montpellier. De temps en temps, le tailleur et sa femme allaient donc passer quelques jours chez leurs parents et faisaient le trajet dans une carriole qu'un obligeant voisin leur prêtait. Michaud était très heureux en ménage. S'il ne faisait pas une fortune rapide, ses affaires lui permettaient de vivre et même de mettre un peu d'argent de côté. Il n'avait donc aucun souci et aurait vécu parfaitement heureux s'il avait eu des enfants. Avoir un enfant, c'était son désir le plus ardent, son rêve de tous les instants. Malheureusement, depuis 15 ans qu'il était marié, ce souhait ne s'était pas accompli. Michaud se désespérait quand, un jour qu'il revenait de Montpellier et qu'il retournait à l'Odève, une occasion inespérée se présenta de réaliser le rêve qu'il avait si longtemps caressé. C'était le jour de la Saint-Jean. Pour mettre à profit la fraîcheur de la matinée, Jacques était parti vers 5 heures et venait de quitter la ville, lorsque, sur le bord de la route, il aperçut un homme et un enfant gisant inanimés le long du fossé. Il confia les rênes à Marguerite, mit pied à terre et s'approcha curieusement. L'homme paraissait avoir 50 ans. Il était grand et sa barbe commençait à grisonner. Il était vêtu d'un costume de drap gris, semblable à celui que portaient les laquais quand on ne voulait pas leur faire endosser la livrée, et que l'on appelait alors des grisons. Il avait les yeux noirs, les lèvres épaisses, le nez fort, la figure pleine et des cheveux noirs argentés sur tous les tempes. Le corps était encore chaud, mais Jacques essaya vainement de le ranimer. Après s'être assuré que le cœur avait cessé de battre, il se dirigea vers l'enfant. Le pauvre petit être avait été frappé aussi d'un coup de poignard à la poitrine, car ses vêtements de soie étaient tachés de sang, mais sans doute la lame avait glissé sur les côtes, car au moment où Michaud le prit dans ses bras, il ouvrit les yeux et murmura « Maman ». Vite, il emporta l'enfant et le tendit à Marguerite qui le déshabilla, banda la plaie avec son mouchoir et parvint à arrêter l'hémorragie. En arrivant à l'Odève, ils firent appeler un médecin. Celui-ci examina la blessure, déclara qu'elle ne présentait aucun danger et qu'avant 3 semaines, l'enfant serait sur pied. Michaud s'approcha alors du docteur et d'un ton mystérieux le pria de bien vouloir ne révéler à personne l'existence de cet enfant, que la moindre indiscrétion condamnera une mort certaine. Le docteur s'y engagea sans difficulté et continua de donner secrètement des soins au petit blessé, jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement guéri. Pendant ce temps, Michaud, qui poursuivait l'idée fixe de s'approprier cet enfant, s'était occupé de vendre son fonds et de réaliser le peu d'argent qui lui restait dû. Dès que ses affaires furent terminées, il communiqua à sa femme le projet qu'il avait conçu et lui annonça que dans 3 jours, sous prétexte d'aller s'établir à Montpellier, il partirait pour Paris. Car à Paris, personne ne nous connaît et ne s'inquiétera de savoir si cet enfant est bien à nous. En effet, le 25 juillet, à 3 heures du matin, Jacques et Marguerite quittèrent sournoisement l'Odève avec l'enfant. Ils l'avaient appelé Jean parce que c'était le jour de la Saint-Jean qu'ils l'avaient trouvé. Pour ménager sa santé, ils s'arrêtèrent à Bédarieux, à Carcassonne, à Toulouse, à Montauban, à Limoges, à Orléans, et arrivèrent enfin à Paris le 6 septembre 1700. Là, selon les prévisions de Michaud, Nul ne s'informa si Jean était bien réellement leur fils. Seul le cardinal Fleury s'en étonna, car il n'avait pas entendu dire que Jacques fût devenu père. Mais la chose était si vraisemblable qu'il ne conçut aucun soupçon. Quant à Michaud, il avait presque fini par se persuader à lui-même, tant il l'aimait, que ce bel enfant était à lui. S'il avait de l'ambition, c'était pour son fils, il le disait à tout le monde. Et il le prouva bien quand il eut fait fortune, car ce fut véritablement Jean qui devint maître chez lui et disposa de tout à son gré. Marguerite, nature frêle et soumise, avait accepté de tout cœur le rôle que son mari lui avait fait jouer. Fidèle au serment qu'il avait exigé, elle n'avait jamais laissé échapper une parole qui peut faire soupçonner à Jean la vérité. Elle était morte en emportant ce secret dans la tombe. Jacques se crut alors plus assuré que jamais de l'impunité. Dans son idée, cette pieuse supercherie ne faisait aucun tort à celui qu'il considérait comme son fils. Aujourd'hui qu'il avait des millions à lui laisser, Michaud ne s'imaginait pas que Jean eût quelque chose à désirer. Cependant, il ne s'était pas aperçu, sans dépit des difficultés que l'humilité de sa naissance créait à vif argent. En lui donnant ce surnom, ne l'avait-on pas débaptisé? C'était donc un crime de l'appeler Michaud? En ce temps-là, oui, puisque Jean avait eu toutes les peines du monde à entrer et à se maintenir dans les pages de Sa Majesté. Oui, puisque Fleury n'avait pas osé lui faire donner un brevet d'officier et l'avait obscurément placé dans les finances. Oui encore, puisque Jean lui-même se désolait de son humilité et avait résolu de se faire soldat plutôt que de moisir dans les bureaux d'un ministère. Ainsi, pensait Michaud après avoir quitté la baronne, tout ce que j'ai fait pour ce fils adoré, c'est contre lui que je l'ai fait. Si je n'avoue pas, il ne sera jamais qu'un Michaud, embarrassé de sa fortune. Si j'avoue, toutes les carrières lui sont ouvertes. Et de grosses larmes roulèrent sur sa joue. Quoi ? Son amour pour Jean n'était que de l'égoïsme. Son dévouement de 23 ans qui ne comptait pas une heure de défaillance, c'était un vol incessant qu'il avait commis au préjudice de celui qu'il aurait peut-être moins aimé s'il avait été son père. Comment donc fallait-il l'aimer? Était-ce jusqu'au sacrifice? Devait-il abjurer cette paternité qu'il avait si chèrement payée de son infatigable sollicitude? Oui, lui répondait sa conscience. Mais contre sa conscience insurgeait son cœur et ses droits acquis. Ce fut dans cette lutte déchirante que l'infortuné passa la nuit. Le lendemain matin, un cavalier qui venait de Versailles lui apporta une lettre de la part du cardinal Fleury. « J'ai eu le bonheur de rencontrer le régent hier soir chez Sa Majesté, écrivait Fleury, et j'ai pu lui expliquer à la suite de quelles circonstances ton fils avait été arrêté. Philippe est entré dans une grande fureur et a juré de tancer vertement du bois, quoique, disait-il, le pauvre diable n'eut pas longtemps à vivre. Il m'a signé à l'instant même un ordre d'élargissement que tu trouveras sous ce pli. Voilà donc Jean en liberté, mais conseille-lui d'agir à l'avenir avec plus de prudence. Le fils de Michaud n'est malheureusement pas de ceux qui peuvent braver impunément la colère d'un premier ministre. » Cette dernière phrase fut un coup de massue pour le brave homme. Ainsi, Fleury lui-même lui faisait sentir combien faisait le tort à Jean l'obscurité du nom qu'il portait. Tout le monde se liguait donc pour le condamner. N'importe. Vite, il courut à la Bastille et, après de longues formalités, eut la joie de serrer son fils dans ses bras. Puis, ce premier mouvement passé, et comme il rentrait à l'hôtel, Michaud, loin de manifester le plaisir qu'il ressentait, retomba dans un morne silence et devint soucieux. Jean s'en aperçut et s'en étonna. Dès qu'ils furent arrivés, il prit affectueusement la main de son père. « Qu'avez-vous ? » lui demanda-t-il de sa plus douce voix. « Alors que vous devriez vous réjouir avec moi de ma délivrance, je vous vois sombre, pensif, presque chagrin. Depuis le long mois que je vous ai quitté, est-il donc survenu dans notre maison quelque catastrophe imprévue ?»« Oui, » répondit résolument Michaud. « Quoi donc ? Avez-vous perdu tout ou partie de votre fortune ?»« Ah, si ce n'était que cela !» soupira Jacques. « Mais alors, qu'est-ce ? Vous savez combien je vous aime, père. Ne voulez-vous pas me faire partager vos peines, comme vous m'avez fait partager votre affection et vos richesses ? Vrai, tu m'aimes bien, dit Michaud, dont le visage rayonna. Est-ce que vous en avez jamais douté ? Non, cher enfant, Dieu merci. Tu m'as donné tous les bonheurs auxquels je pouvais prétendre, mais que dirais-tu si je t'apprenais que je n'y avais aucun droit ? Je ne vous comprends pas, père, balbutia Jean interdit. C'est pourtant la vérité, mon pauvre enfant. Oui, par le dévouement et l'affection, je suis bien véritablement ton père. Mais ce n'est pas de mon sang que tu es né, et Marguerite n'était pas ta mère. La tienne, Jean, celle qui t'a mis au monde, appartient à une noble famille et te pleure depuis 23 ans. Et vous la connaissez ? Demanda Jean d'une voix brisée par l'émotion. Depuis hier seulement, je te le jure. Mais je vais te conduire à elle, répondit Michaud, qui suffoquait, car je sens que si j'hésitais un instant, je n'en aurais plus le courage. À ces mots, il se leva. Viens, dit-il, et prie Dieu qu'il me donne la force d'aller jusqu'au bout. Il l'entraîna, le fit monter dans sa chaise et jeta au porteur l'adresse de madame de Montbazin. Jean tressaillit. Sa mère était-ce donc la comtesse ? L'amitié presque invraisemblable que Julien lui avait témoignée depuis 8 ans et qu'il ressentait aussi. Était-ce la voix du sang qui la leur avait inspirée ? Oui, cela devait être car Michaud l'avait dit. C'est vers sa mère qu'il le conduisait. Vainement, d'un regard anxieux, Jean interrogeait son père. Taciturne, les traits contractés, l'œil farouche. Le pauvre homme contenait avec peine la douleur poignante qui l'étreignait. Enfin, on arriva chez madame de Montbazin. « Dites à madame la comtesse que M. Michaud et son fils désirent lui parler, » ordonna l'ancien tailleur au domestique. Madame de Montbazin se leva d'un bond. Dès ce moment, elle n'en douta plus. Michaud venait lui rendre Emmanuel. En arrivant dans le salon, il fallut à l'heureuse mère une force d'âme extraordinaire pour ne pas lui sauter au cou. « Madame, » lui dit Michaud, « je viens, dussé-je en mourir, remplir ici mon devoir d'honnête homme. Car il ne faut pas trop m'en savoir gré. » Car si j'avais moins aimé Jean, certainement je n'accomplirais pas l'horrible sacrifice auquel je me suis résigné. » À ces mots, il lui raconta comment il avait recueilli Jean et avait conçu l'idée de l'adopter. Depuis le signalement d'André jusqu'au costume que portait l'enfant, il n'oublia rien. Suspendue à ses lèvres, la comtesse prêtait une oreille avide et dévorait des yeux. Le fils dont elle portait encore le deuil, qu'hier encore elle croyait avoir perdu pour jamais, la mère et l'enfant se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, tandis que Michaud les contemplait à travers les larmes qui s'échappaient de ses yeux atones. Lorsque Jean s'arracha ses délicieuses étreintes et vit couler ses larmes, il lui sembla qu'elles lui tombaient sur le cœur. « Ah, cher père, » dit-il à Michaud, « béni soyez-vous pour tout le bien que vous m'avez fait. » Le brave homme laissa échapper un sourire, dont aucune expression ne saurait peindre l'affreuse amertume. « Oui, » murmura-t-il, « Dieu peut me rappeler à lui maintenant, ma tâche est accomplie. »« Non pas !» répliqua Jean avec vivacité. « Il faut, au lieu de mourir, vivre avec nous du bonheur que vous nous avez donné. Pendant que Julien amènera ici sa femme, c'est chez vous que je prétends conduire la mienne, afin que vous fassiez sauter sur vos genoux mes enfants, qui sont aussi les vôtres. »« Quelle femme ?» demanda Michaud, à qui ces bonnes paroles venaient de rendre la vie. « André, la fille de madame de Coissy, que j'aime et de qui je suis aimé. Ne vous avais-je pas dit l'autre jour qu'en servant Julien, j'avais travaillé peut-être autant pour mon compte que pour le sien ?» Ainsi ce fut fait. 2 mois après, le comte de Montbazin et le vicomte, son frère, épousaient Valentine et André. Michaud dotait de 12 millions et d'un régiment de cavalerie son fils adoptif. Il lui cédait en outre l'hôtel qu'il habitait et qu'il continuerait d'habiter avec lui. Depuis le 10 août, Dubois avait rendu sa vilaine âme au diable. Le cardinal Fleury se préparait à devenir premier ministre. Ainsi s'achève Vif argent de Paul Sonnière.